بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. La fois dernière, nous avons entamé la tentative de traduction de l'explication du Cheikh Ibn al-Uthaymin de la sourate An-Naba, et nous avons abordé la parole d'Allah, l'explication de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a dit, donc dans les versets yarhamukallah, dans les versets 6 et 7 de cette sourate, alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wal jibala awtada, n'avons-nous pas fait de la terre une couche et n'avons-nous pas fait les montagnes des piquets? Et ici, je voudrais, avant de continuer dans l'explication des versets suivants, aborder un point avec vous concernant le fait que, à ce sujet-là, il est des versets qui, en apparence, je dis bien en apparence, peuvent paraître en opposition. Et il faut savoir qu'il n'y a pas deux versets qui s'opposent et qui se contredisent. Mais une contradiction peut apparaître au lecteur du fait de son manque de connaissance. Et parmi les livres très importants qui ont été écrits dans ce sujet-là, afin de mettre en évidence justement comment joindre tel et tel verset qui, en apparence, peuvent paraître contradictoires, il y a le livre intitulé « Daf'u Iham al-Ittirab an Ayat al-Kitab » du noble cheikh, l'érudit Mohamed al-Amin al-Shinqiti, décédé en 1393, de l'Égypte, c'est-à-dire il y a 46 ans, puisqu'on est en 1439. Et il a fait mention d'un certain nombre de versets que l'on trouve dans la sourate An-Naml, notamment la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. Le verset 88 de la sourate An-Naml, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et tu verras les montagnes que tu croyais figées défiler comme des nuages. Le cheikh Mohamed al-Amin de dire ici que, en apparence, ce verset indique que celui qui regarde les montagnes les croit figées alors qu'en vérité, elle défile. Et il faut savoir qu'il y a d'autres versets qui indiquent quant à eux que les montagnes sont ancrées dans le sol. Le terme rasi indique ce qui est fermement implanté dans le sol. Comme on le trouve dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate An-Nazi'at, verset numéro 32, wal jibala arsaha. Wal jibala arsaha. Donc à propos des montagnes, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, quant aux montagnes, il les a ancrées. Quant aux montagnes, donc, il les a ancrées. Et également, donc, il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Il a implanté dans la terre des montagnes afin qu'elles ne branlent pas en vous emportant. Sourate An-Nahl, verset numéro 15. Il a également dit, wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasi. La terre, nous l'avons étendue et avons enfoncé fermement des montagnes. Ici, ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a qualifié les montagnes de Rawasi. Et on a vu donc que Rawasi, ça revient donc à ce qui est fermement implanté. Il a également dit, Azza wa Jal, وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ Surat al-Mursalat, verset numéro 27. Et nous y avons placé, nous y avons implanté, c'est-à-dire dans la terre, nous y avons implanté de hautes montagnes. Donc on réunit ces versets-là d'une manière qui en réalité est apparente. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Arsaha wal jibala arsaha. Montagne, quant aux montagnes, il les a fermement implantées dans le sol. C'est-à-dire dans ce bas monde. Tous ces versets-là, dans lesquels on trouve que les montagnes sont fermement ancrées dans le sol, c'est dans ce bas monde. Quant à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, à propos des montagnes, وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ alors qu'elles défilent comme des nuages, c'est-à-dire dans l'au-delà. Et la preuve indiquant cela est apparente, étant donné que dans ce qui précède directement ce verset, c'est-à-dire le verset numéro 88 de la sourate An-Naml, ce qui le précède directement, verset numéro 87, Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ Le jour où on soufflera dans la trompe, ce qui est dans les cieux sera pris d'effroi. Et ensuite, il a coordonné à cela sa parole, وَتَرَى الْجِبَالِ Et tu verras les montagnes que tu croyais figées, défiler comme des nuages. Parmi les éléments qui indiquent également cela, on compte des textes coraniques indiquant clairement que le défilement des montagnes surviendra le jour de la résurrection. À titre d'exemple, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Kahf, verset numéro 47, وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً Rappelle le jour où l'on mettra les montagnes en marche et où tu verras la terre nivelée, littéralement apparente, dans le sens où elle sera nivelée, comme nous allons le voir d'ailleurs dans la suite de l'explication de la sourate An-Naba, Inch'Allah. L'exalté a également dit, la sourate An-Naba, verset numéro 20, « وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا » Les montagnes seront mises en marche et seront tel un mirage. Et c'est donc sur cela que se termine cette brève explication du Cheikh Mohamed Al-Amin Al-Shinqiti. J'ai voulu donc la partager avec vous et également vous faire connaître ce livre très important Daf'u Iham Al-Ittirab An Ayat Al-Kitab qui compte parmi les chef-d'œuvre laissé par le Cheikh Mohamed Al-Amin Al-Shinqiti, qui est l'auteur, comme vous le savez, de l'exégèse intitulée Adwa'u al-Bayan. Adwa'u al-Bayan. Il a écrit également d'autres livres, et certaines de ses assises d'exégèse ont également été retranscrites et publiées. Et nous entrons donc à présent, Allah subhanahu wa ta'ala le veut, dans la tentative de traduction de la suite de la sourate An-Naba. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna yawma al-fasli kana miqata yawma yunfakhu fi s-suri fata'tuna afwaja wa futihati s-sama'u fakanat abwaba wa suyirati l-jibalu fakanat saraba Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba لابثين فيها أحقابا Et on va donc essayer aujourd'hui de se pencher sur l'explication de ces quelques versets tirés de l'exégèse du Cheikh Mohammed ibn Saleh Al-Uthaymin. Et j'insiste ici sur le fait que la traduction orale, forcément, est parfois entrecoupée de parenthèses. Et que pour attribuer une parole à l'auteur d'un livre qu'on se propose de traduire de manière orale, il faut revenir, barakallahu fikum, à l'original. Bien que j'essaie de distinguer les parenthèses que j'ouvre du texte original, il est possible que parfois je m'oublie, il est possible que parfois ce ne soit pas clair. Donc pour attribuer une parole au shéir, il faut revenir à l'original. Il est possible que ma traduction soit approximative. Également, donc pour attribuer une parole au shéir, je vous invite à revenir, barakallahu fikum, au livre de base. C'est pour cela que j'insiste aussi sur le fait que c'est une traduction qui est basée sur, essentiellement basée sur tel ou tel livre, telle ou telle explication. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, inna yawm al-fasl, inna yawm al-fasl, le jour du verdict. Donc, je vais essayer d'abord de vous traduire le sens du passage que je vous ai lu. Le jour du verdict a un temps déterminé. Le jour où l'on soufflera dans la trompe, où vous viendrez par troupes, le ciel sera ouvert et présentera des portes. Les montagnes seront mises en marche et deviendront telles un mirage. L'enfer est déjà préparé. Il est pour les transgresseurs un point de chute. Ils y demeureront de longues périodes successives. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Inna yawm al-fasl » le jour du verdict. Le jour du verdict, c'est-à-dire le jour de la résurrection. « Yawm al-fasl » c'est-à-dire « Yawm al-qiyam » le jour de la résurrection. Il a été appelé « Yawm al-fasl » le jour du verdict, étant donné que en ce jour, Allah subhanahu wa ta'ala va trancher entre les serviteurs au sujet de leur discorde, au sujet de leur divergence. Il va trancher entre les adeptes de la vérité et les partisans du faux. Il va trancher entre les partisans de la mécréance et les gens de foi. Il va trancher entre les transgresseurs et les justes et équitables. Il va trancher entre les habitants du paradis et les habitants de l'enfer. Fariqun fil janna wa fariqun fil sa'ir. Un groupe au paradis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous place parmi les membres de ce groupe-là, et un groupe dans la fournaise, qu'Allah nous en éloigne. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, inna yawm al-fasli kana miqata. Le jour du verdict a un temps déterminé. D'ailleurs, un temps déterminé pour la rétribution. Et il a un terme fixé, comme il l'a dit Azza wa Jal, parlant du jour de la résurrection. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ. Nous ne retardons l'avènement de l'heure que vers un terme fixé. Surat Hud, verset numéro 104. Donc, que penser d'une chose dont le terme est déjà compté? Tu vois comment cette chose-là se déroule de manière rapide, jour après jour, jusqu'à ce que l'homme arrive à la dernière étape de sa vie. Il en est de même concernant ce bas monde. Il défile jour après jour, jusqu'à arriver à la dernière étape. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ. Nous ne retardons l'avènement de l'heure pour un terme fixé. Et tout ce qui est compté a une fin. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا. Le jour où l'on soufflera dans la trompe, vous viendrez par troupes. Celui qui est chargé de souffler dans la trompe, c'est Israfil. Et il va souffler dans la trompe à deux reprises. La première fois, son souffle va plonger les gens dans un état de grand effroi. Puis ils vont s'évanouir et mourir. Et le second souffle va marquer leur résurrection qui va se faire à partir de leur tombe. Leurs âmes vont revenir à eux. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا. Le jour où l'on soufflera dans la trompe, vous viendrez par troupes. Dans ce verset, il y a un procédé de concision opéré par une suppression. Allah subhanahu wa ta'ala a dit يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا. Le jour où l'on soufflera dans la trompe, vous viendrez par troupes. Ce qui n'est pas présent ici, c'est le fait que les gens vont retrouver la vie après s'être évanouis et être morts. Allah subhanahu wa ta'ala a directement dit فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا. Vous viendrez en troupe, vous vous présenterez en troupe. Avant cela, vous retrouverez la vie. Vous viendrez en troupe, c'est-à-dire troupe après troupe. Chacune suivant l'autre. Ces troupes-là, le terme afouaj ici, et Allah est plus savant, correspond aux différentes communautés. Chaque communauté sera appelée à son livre afin d'être jugée en fonction de ses enseignements. Comme on le trouve donc dans l'exégèse ici, du verset auquel le cheikh a fait référence, Allah lui fasse miséricorde, c'est-à-dire donc chaque communauté sera appelée vers la charia de son prophète et sera jugée donc en fonction de ses enseignements. Les gens viendront donc en troupe pour cet événement grandiose, gigantesque. À l'occasion duquel la terre sera aplanie. Allah subhanahu wa ta'ala la laissera comme une plaine dénudée dans laquelle tu ne verras ni tortuosité, ni dépression. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. Le ciel sera ouvert. Le ciel sera ouvert et présentera des portes. Des portes que les gens verront. Après que le ciel eût été tel un toit protégé. Ce jour-là, le ciel présentera des portes ouvertes. Cela indique clairement l'omnipotence, l'infinie puissance d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala va faire de ces sept cieux renforcés, fortifiés, le jour de la résurrection, des choses insignifiantes, comme si elles n'étaient rien. Ces sept cieux-là, Allah subhanahu wa ta'ala va le rendre ouvert. Et ce ciel présentera des portes ouvertes. يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ. À propos de ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate Al-Ma'arij, versets numéro 8 et 9, le ciel sera comme du métal en fusion et les montagnes comme de la laine. Allah subhanahu wa ta'ala a également décrit ce jour en disant « وَسُيِّرَتِ الْجِبَالِ فَكَانَتْ سَرَابًا » Les montagnes seront mises en marche et deviendront telles un mirage. C'est-à-dire ces grandes montagnes, immenses, inébranlables, elles vont être pilées, tel point qu'elles vont devenir comme de la poussière, puis tel un mirage qui défile. « وَسُيِّرَتِ الْجِبَالِ وَكَانَتْ سَرَابًا » Les montagnes seront mises en marche et deviendront tel un mirage. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit « إِنَّ جَهَانَمَ كَانَتْ مِرْصَادًا » L'enfer est déjà préparé. C'est-à-dire qu'il est préparé pour les transgresseurs. La géhenne est déjà préparée. Jahannam, c'est un nom parmi les noms de l'enfer, An-Nar, qui a de nombreux noms. L'enfer, il a été appelé Jahannam, la géhenne, étant donné qu'il est obscur, du fait de sa noirceur et de sa profondeur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en protège. L'enfer est préparé, la géhenne est préparée pour les transgresseurs. Allah subhanahu wa ta'ala l'a préparé pour eux dès maintenant. L'enfer est donc présent. Comme il l'a dit, وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ Et cherchez à vous protéger de l'enfer qui a été préparé pour les mécréants. Surat al-Baqara, verset numéro 24. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu l'enfer. Il lui a été présenté alors qu'il était en train d'accomplir la prière de l'éclipse, comme cela a été recueilli par Muslim. Par Al-Bukhari, excusez-moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également vu une femme être châtiée à cause d'une chatte qu'elle avait emprisonnée, sans la nourrir, et sans la libérer afin qu'elle puisse manger de l'herbe ou des bestioles qui se trouvent dans la terre. Comme cela a été recueilli par Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Amr ibn Luhay al-Khuza'i tirer ses entrailles, ses intestins en enfer. Comme cela a été recueilli par Al-Bukhari. Et par Muslim. Pourquoi? Pourquoi a-t-il été châtié de la sorte? Du fait qu'il a été le premier à introduire le polythéisme al-shirk chez les Arabes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne, nous ainsi que nos descendants, du polythéisme. Allahu al-musta'an. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos de cet enfer, لِلطَّاغِينَ مَآبَا Il est pour les transgresseurs un point de chute. Il est pour les transgresseurs un point de chute. الطاغون, c'est le pluriel de طاغ. Et ça désigne la personne qui dépasse sa limite. Le substantif الطغيان correspond au dépassement de la limite. Allah, l'exalté, a dit, dans la sourate Al-Haqqa, verset numéro 11, « Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariya » C'est nous qui, lorsque l'eau déborda, « lamma taghal ma » Tagha, déborder, dépasser la limite. C'est nous qui, lorsque l'eau déborda, nous avons chargé sur l'arche. Retournez à la sourate Al-Haqqa, vous retrouverez donc... Ce verset, c'est le numéro 11. Quelle est la limite de l'être humain? Quelle est la limite de l'être humain et dans quel texte coranique trouve-t-on la mention de sa limite? Si on vous pose la question, quelle est la limite de l'être humain? Et dans quel verset trouve-t-on l'exposé de sa limite? On le trouve dans le verset numéro 56 de la sourate Dhariyat. C'est un verset très important qu'il faut retenir. Qu'il faut retenir pour soi, pour se le rappeler. Et également, c'est une réponse à une question que des dizaines, des centaines et des milliers, voire des millions de personnes se posent et qui peut-être quittent ce bas monde sans l'avoir eu malgré sa proximité. Et ça fait partie des choses surprenantes. ومن العجائب والعجائب جمع قرب الحبيب وما إليه وصول كالعرس بالبيداء يقتله الظما والماء فوق ظهورها محمول. Parmi les choses surprenantes, et les choses surprenantes sont nombreuses. La proximité de la chose aimée et de ce qui t'y mène. À l'image de cet âne qui mourait de soif dans le désert, alors qu'il est en train de porter de l'eau sur son dos. Il y a des gens qui quittent ce bas monde et se sont posé cette question-là. Pourquoi sont-ils dans ce bas monde? Et qui le quitte sans avoir connu la réponse. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Voilà donc la sagesse pour laquelle tu as été créé. Et voilà donc ta limite. Chers serviteurs d'Allah, surat al-Dhariyat, verset numéro 56. Le dépassement de la limite peut concerner les droits d'Allah, comme il peut concerner les droits des humains, les droits des serviteurs. Le dépassement des limites concernant les droits d'Allah, Azza wa Jal, peut correspondre à de la négligence concernant ce qu'il est obligatoire d'accomplir, ou le fait de dépasser les limites en se laissant aller dans ce qui est interdit. Quant à la transgression relative aux droits des humains, cela peut correspondre aux transgressions qui touchent à leurs biens ou à celles qui touchent à leur sang et à leur honneur. Ces trois choses-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu sacré. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a déclaré durant le pèlerinage d'adieu à plusieurs reprises en disant « Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram » Vos sangs, vos biens et vos honneurs sont sacrés. Il est interdit donc de les violer. Cela a été recueilli par Muslim. Les transgresseurs, si bien au niveau des droits d'Allah que ceux des serviteurs sont les habitants de l'enfer, qu'Allah nous en protège. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « لِلطَّاغِينَ مَا أَبَى » Parlant de l'enfer, il est pour les transgresseurs un point de chute. C'est-à-dire un endroit dans lequel ils vont retourner. Puisque « al-ma'ab » ça fait référence donc au substantif « al-aub ». Et « al-aub » à la base c'est le retour. Et bon, j'ai essayé de traduire l'idée ici. Le sens plutôt, en disant point de chute. Et il y a peut-être, voire probablement mieux, mais c'est uniquement cela qui m'est venu à l'esprit. Wallahu a'lam. Si vous... Hein? Et j'avais refuge, mais j'ai préféré... Ce refuge, ça me... Quand je l'ai lu, refuge, ça me laisse plus penser à quelque chose dans lequel tu te retrouves en sécurité. Naam. C'est l'idée qui m'est venue, et bien sûr ce n'est pas voulu ici. Pour cela que j'ai préféré mettre de côté refuge, qui est présent dans certaines propositions de traduction, choisir autre chose, sans exclure qu'il y ait mieux. Si vous voulez, vous pouvez mettre un petit point d'interrogation et laisser cette proposition en suspens jusqu'à éventuellement trouver mieux. Wallahu a'lam. Naam. Donc, al-aoub, ça indique le retour, du coup. Comme on le retrouve dans le verset 30 de la sourate Sad, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ni'ma al-abdu, innahu awwab. Quel excellent serviteur. Il était certes enclin à revenir, awwab. C'est-à-dire à revenir vers Allah. Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, donc à propos de ces transgresseurs, de ces taroun, na'am, labithina fiha ahqaba. Ils y demeureront de longues périodes successives. Et là aussi, j'ai préféré dire, parler de longues périodes plutôt que de siècles. On le trouve dans certaines traductions, car à ma connaissance, wallahu a'lam, je n'ai pas non plus poussé la recherche plus que ça. Le terme siècle, ça correspond à 100 ans. Peut-être que ce terme a d'autres acceptions que je ne connais pas. Mais en tout cas, c'est ce qui m'est venu à l'esprit, donc j'ai préféré choisir cette autre traduction en parlant de longues périodes. Là aussi, si vous voulez, vous pouvez mettre cette proposition en suspens avec un point d'interrogation. Ou une flèche, ou ce que vous voulez. Labithina fiha ahqaba, ils y demeureront de longues périodes successives. C'est-à-dire, ils vont y rester. C'est-à-dire, ils vont y rester. Ahqaba. Ahqab, donc ce sont, c'est un pluriel, ça indique donc des périodes, de longues périodes. Le noble Coran indique de manière claire que ces longues périodes, en réalité, n'ont pas de fin. Et qu'elles sont des périodes éternelles. Comme on le trouve clairement exposé dans trois versets du livre d'Allah. Surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. Versets 168 et 169. Allah ne pardonne aucunement à ceux qui mécroient et sont injustes et ne les guide vers aucune voie excepté la voie de la géhenne dans laquelle ils s'éterniseront à jamais. Et cela est certes facile pour Allah. Dans la sourate Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Inna Allah la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira » خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. Versets 64 et 65. Allah a maudit les mécréants et a préparé pour eux une fournaise dans laquelle ils s'éterniseront à jamais sans trouver d'alliés ni de secoureurs. Et dans la sourate Al-Jinn, il a dit, verset numéro 23, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Ceux qui désobéissent à Allah et à son messager écoperont du feu de la géhenne dans lequel ils s'éterniseront à jamais. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a clairement exposé de manière formelle dans trois versets de son livre que les habitants de l'enfer s'y éterniseront à jamais. Et cela implique donc que l'enfer est éternel. Et c'est la conviction des adeptes de la sunna et du groupe uni sur la vérité, Ahlu Sunnati wal Jama'a. Ils ont la conviction que l'enfer et le paradis sont deux créatures qui ne s'épuisent pas, qui ne disparaissent jamais. Sois attentif, Barakallahu Fik, ici à ce point. Et à la formulation du shir, une légère divergence existe, émanant de certains adeptes de la sunna à propos du caractère éternel de l'enfer. Ils ont en effet prétendu que l'enfer n'est pas éternel. Et ils ont pris pour preuve des arguments qui, en réalité, sont des ambiguïtés, qui n'indiquent pas la vie qu'ils ont soutenue. Et lorsque ces arguments-là sont réunis avec d'autres preuves, il apparaît clairement que leur opinion n'est pas à prendre en considération. Et que ceux qui l'ont soutenu ne sont pas à prendre en considération. Je vous ai dit donc d'être attentif ici à la manière qu'il a eu d'exprimer la chose. Il n'a pas dit les adeptes de la sunna ont divergé à ce sujet. Ils ont dit il y a une légère divergence qui est survenue émanant de certains adeptes de la sunna. Il y a une grande différence entre les deux choses. Il y a une différence entre le fait que tu dises les adeptes de la sunna ils ont divergé et le fait que tu dises les adeptes de la sunna ils ont telle conviction et certains parmi eux ont adopté un avis marginal. Il y a une différence. Pourquoi j'insiste sur cela? Car concernant ce genre de sujet, tu as des personnes qui viennent et qui te disent « Oui, les adeptes de la sunna, ils ont divergé à propos du dogme. » Mais ils ne s'arrêtent pas ici. Car en réalité, ils prennent cela comme prétexte pour amoindrir de la gravité du fait de déroger à la doctrine des adeptes de la sunna du groupe Unis sur la vérité. Donc ils te disent « Les adeptes de la sunna, ils ont divergé dans des questions dogmatiques, non. » Ils sont unanimes, et peut-être dans certaines questions, certains parmi eux ont adopté un avis isolé, marginal. C'est pour cela qu'on parle de divergence légère émanant de certains adeptes de la sunna. Revenons donc au propos du Cheikh Ibn al-Uthaymeen, qui continue en disant ce qui est obligatoire, c'est que l'homme de foi et la conviction apportent foi, une foi convaincue, à ce qui est clairement indiqué par le livre d'Allah de manière formelle et qui ne laisse pas place à l'interprétation. Or, les trois versets que nous avons mentionnés sont tous des versets clairs et sans équivoque, qui ne sont pas sujets à l'abrogation, un nasr. Et qui ne sont pas non plus sujets à d'autres éventualités, l'ihtimal. Quant au fait que ces versets-là ne sont pas sujets à l'abrogation, c'est dû au fait qu'ils contiennent des informations. Et les informations données par Allah Azza wa Jal ne peuvent pas être abrogées, de même que celles qui sont données par son messager sallallahu alayhi wa sallam. Car le fait qu'une de deux informations soit abrogée par l'autre implique nécessairement qu'une des deux informations est mensongère. Soit du fait que celui qui a apporté l'information a menti en connaissance de cause de manière volontaire, soit du fait qu'il s'est prononcé par ignorance. Et tout cela est inconcevable concernant les informations données par Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ces informations qui émanent de la révélation. Quant au fait que ces trois versets-là ne sont pas non plus sujets à d'autres éventualités, c'est dû au fait que ces informations-là sont formelles et elles ne laissent pas place à d'autres éventualités. Revenez donc à ces quelques versets, le verset de Surat al-Nisa, le verset de Surat al-Ahzab et le verset de Surat al-Jinn, et vous vous rendrez compte donc de cela, à savoir le fait que l'enfer est éternel et n'est pas mener à disparaître. Ce qui nous importe ici, c'est qu'il nous est obligatoire d'être convaincus de deux choses. D'être convaincus de deux choses. Et on va terminer donc sur ces deux choses-là. Inch'Allah. La première, c'est la présence du paradis, al-Jannah, et de l'enfer. À l'heure où on parle. Et les preuves indiquant cela dans le Coran et la Sunna sont nombreuses. Parmi elles, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, surat al-Imran, verset numéro 133, « وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ » Accourez vers un pardon venant de votre Seigneur et un paradis aussi large que les cieux et la terre et qui est préparé pour ceux qui craignent pieusement Allah. Le fait qu'il soit préparé, et que c'est le passé qui a été utilisé ici, indique que c'est là quelque chose qui s'est déjà passé. Allah subhanahu wa ta'ala a également dit à propos de l'enfer, « وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ » et cherchez à vous protéger de l'enfer qui a été préparé pour les mécréants, surat Al-Imran, verset 131. Et là encore, le verbe est au passé, ce qui indique que cette chose-là, le fait que l'enfer a été préparé, est quelque chose qui est passé. Et la sunna est venue confirmer cela de manière formelle, étant donné qu'il a été authentiquement rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a vu l'enfer et qu'il a vu le paradis. Le deuxième point, duquel nous devons être convaincus, c'est que ces deux demeures, le paradis, al-Jannah, et l'enfer, al-Nar, sont éternels. Ceux qui y entreront, en étant de leurs habitants, y résideront de manière éternelle. Concernant le paradis, al-Jannah, quiconque y entrera n'en sortira pas. En effet, l'exalté a dit, à propos des habitants du paradis, وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ Surat al-Hijr, verset numéro 48. Et ils n'en seront pas sortis. Ils n'en seront pas expulsés, ils ne seront pas sortis du paradis. Quant à l'enfer, il faut savoir que les désobéissants parmi les gens de foi y entreront et y résideront ce qu'Allah aura voulu qu'ils y résident. C'est-à-dire le temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura voulu qu'ils y résident. Mais leur point de chute sera le paradis, leur refuge sera le paradis. Comme en témoignent des informations authentiquement rapportées du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, labithina fiha ahqaba, à propos de l'enfer, ils y demeureront de longues périodes successives, n'indique en aucun cas que ces périodes successives ont un terme et une fin. En effet, le terme ahqab désigne ici de longues périodes abondantes et qui n'ont pas de fin. Donc, on résume ici et on termine sur ce résumé, ce récapitulatif concernant le paradis et l'enfer. ceux qui entrent au paradis n'en sortent pas. Quant à l'enfer, ceux qui y entreront en étant voués à être ses habitants n'en sortiront pas. Par contre, les gens de foi qui entreront en enfer à cause de certains péchés qu'ils avaient accomplis ne s'y éterniseront pas. Et ils sortiront à un moment ou un autre de l'enfer, et on a déjà eu l'occasion d'aborder ce point-là, et nous aurons peut-être l'occasion de l'aborder à nouveau ultérieurement si Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet. C'est sur cela donc que se termine cette modeste assise, et nous continuerons la fois prochaine avec les versets 24 à 30. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: la yadouquna fiha bardan wa la sharaba illa hamiman wa ghassaqa jaza'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadhabu bi ayatina kidhaba wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa adhaba. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger de son châtiment et de l'enfer qu'il a préparé pour les injustes. Wallahu a'lam, sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.